Chapitre 2. Cet incident n'avait pas été remarqué. Si les adorateurs de la duchesse s'étaient aperçus du faux pas douloureux de la belle inhumaine, ils se seraient empressés d'accourir et de faire assaut de prévenance. On la vit s'asseoir à côté d'un inconnu, et comme on n'en était plus à compter ses fantaisies, on se contenta de maugréer de loin. Les deux personnages en tête à tête sur le petit banc avaient déjà mis le temps à profit. Désireux l'un et l'autre de se rapprocher et de se connaître, ils avaient sauté par-dessus les préambules et les banalités d'une conversation de hasard, de même qu'un lecteur pressé néglige la préface d'un ouvrage qu'il sait intéressant. « Pourquoi, disait-il, vous fatiguez ainsi ?»« Vous m'avez donc vu valser, » répondait-elle, et ses yeux, dont elle ne cherchait pas à dissimuler l'expression, disaient clairement « Expliquez-vous, je ne comprends plus du tout. »« Mais, madame, ma bille est remplie par votre personnalité. » Il faudrait être aveugle et sourd pour ne pas le savoir. Si je ne vous l'ai jamais dit, c'est que... Je m'abstiens des démarches inutiles. Dans un salon, j'aurais pu m'hasarder à vous faire ma cour. Nous aurions été l'un et l'autre sur notre terrain, ici. Faut-il vous dire que je vous crois dévoyé? Dites-le, car c'est la vérité. La duchesse baissa la tête et resta quelques instants à réfléchir. Elle se sentait dominée par un homme qui avait sur elle l'avantage de pouvoir tout dire et de donner des conseils désintéressés. Elle reprit, répondant à ses propres pensées. « Pourquoi je reste dans cette voie sans issue honorable ? Eh, monsieur, si vous saviez de quelle atmosphère de turpitude et d'ignominie je me suis sauvé, vous ne m'accuseriez pas. » Si bien qu'il se fût aguerri par cette entrevue, le jeune homme n'était pas préparé à des confidences intimes dès le début de l'entretien. Il se demanda si, par impossible, son interlocutrice ne joue pas un rôle prémédité. La duchesse eût été dans ce cas une comédienne consommée. Elle avait une attitude méditative et paraissait absorbée dans de tristes pensées. L'inconnu, l'observant à la dérobée, n'avait surpris ni un clignement d'yeux, ni un regard en dessous, ni un frémissement. Préoccupé cependant, et amenant la jeune femme sur son terrain, il lui dit, après une demi-minute de silence, « Je n'ai pas le droit de vous accuser, madame. Je me permets seulement de vous plaindre. Soit, au risque de vous faire horreur ou pitié, je veux dire la vérité sur mon compte. Le mensonge me pèse. Je ne suis ni une aventurière, ni une intrigante. Je suis désabusée, sans avoir vécu. À 18 ans, ma mère, qui était humiliée d'avoir une aussi grande fille, m'a retirée du couvent pour me marier, ou plutôt, pour me livrer à un homme deux fois plus âgé que moi, perclus de rhumatisme et d'un cynisme révoltant. Par devoir, par soumission ou par bêtise, comme vous voudrez, j'avais consenti à être garde-malade. Je n'ai pas voulu devenir une prostituée, ce que cet homme aurait voulu faire de moi. Le misérable n'aurait pas même respecté la mère de son enfant. J'ai tout quitté, j'ai fui, je suis venu me cacher dans cet immense Paris, ayant les hommes en dégoût. Elle parlait avec une volubilité extrême, d'une voix saccadée. Les mots se heurtaient, rendant mal les pensées, contredits par le geste, par le regard, par l'attitude. Sans se rendre compte exact de ce qu'elle éprouvait, de ce qu'elle disait, de ce qu'elle faisait, la duchesse se jetait à la tête d'un inconnu. S'il lui avait dit « Voulez-vous que je sois votre sauveteur ?», elle aurait accepté sans hésiter. La curiosité qu'il avait poussée auprès d'un mystérieux indifférent était le résultat d'un travail lent de son esprit et de son cœur. En quelques minutes, la réaction s'était produite, et la crise du sentiment et de la passion aurait amené un rapide dénouement chez cette femme, à l'imagination ardente, si son partenaire y avait mis la moindre bonne volonté. Le jeune homme gardait son inaltérable sang-froid. Il la regardait en souriant, d'un sourire à la fois protecteur et attristé. Cette histoire, ma chère enfant, je l'ai entendue raconter 100 fois. Vous y mettez une variante, l'horreur des hommes. Vous ne me croyez donc pas, reprit-elle en relevant la tête. On m'appelle la duchesse, la vierge de Mabille, que sais-je encore? Je suis purement et simplement Madame Dumont. J'ai appris chez ma mère à redouter les femmes et chez mon mari à mépriser les hommes. C'est du même ton calme, dont il ne se départait pas, que le jeune homme articula cette réflexion. Étrange confidence, avouez-le, pour une première rencontre. Le mensonge me pèse. » poursuivit-elle avec un redoublement de vivacité. « Je voudrais que le monde entier sût que j'étais sacrifié honteusement à un homme corrompu, un vieillard sans vergogne. Vous êtes le premier qui voyez en moi autre chose qu'un corps. Vous soupçonnez une âme en moi. Voilà pourquoi j'ai voulu vous dire que Madame Dumont, de qui tout le monde, son mari le premier, n'a voulu que la forme, a plus qu'une jolie taille et de beaux yeux. Oh, Dumont, être odieux et infâme !» Elle s'étourdissait, la malheureuse. Elle se grisait de ses paroles. Son exaltation s'affaissa subitement, comme par l'effet d'un verre d'eau froide, le bouillonnement d'une jatte de lait, quand elle entendit son interlocuteur lui dire d'une voix grave et presque solennelle « Mademoiselle Mélanie Ripper, vous mentez !» Elle s'arrêta, bouche béante. Ses yeux s'ouvrirent démesurément, un tremblement nerveux agita tout son corps. Le jeune homme, voulant déterminer une réaction complète et définitive, répéta « Mademoiselle Mélanie Ripper, vous mentez !» C'en était trop. Secouant sa torpeur, redevenant la duchesse, la jeune femme bondit plutôt qu'elle ne se leva, et d'une voix stridente « À moi ! À moi ! À moi !» cria-t-elle. Cet appel désespéré retentit si violemment dans la salle de bal, dominant tous les bruits, et produisit une si vive émotion que les danseurs s'arrêtèrent et que l'orchestre se tut. On crut à un grand malheur, peut-être à un crime. Les cinq ou six plus ardents adorateurs de la duchesse se précipitaient pour lui porter secours. Elle était affreusement pâle. Frémissante de colère et de rage, elle désignait d'un geste terrible le jeune homme qui, d'un bond, avait passé de l'autre côté du banc et se disposait à la retraite. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, la duchesse avait été entourée. « Cet homme m'insulte grossièrement !» dit-elle. « Justice !» Ils coururent à lui, prêts à lui faire un mauvais parti. Les indifférents formaient une haie de spectateurs. Le jeune homme voyait le danger et voulait à tout prix éviter une collision. Il reculait prudemment, posément, sans se presser ni fuir, conservant ses avances, sa canne fortement serrée dans la main droite, la main gauche dans la poche de son léger pardessus d'été. Quand le mouvement en avant de ses adversaires se produisit, il retira vivement de son habit sa main armée d'un revolver.